À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. La direction du club de golf de Chibougamau-Chapaille, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Bonjour, ici Martial Bouchard, président du club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac. En cette période de paix et de réjouissance, il me fait plaisir, au nom de tous les dirigeants et employés du club, de remercier tous les membres et les invités qui ont permis de connaître une belle saison 2016. Merci aux vénéreux commanditaires et nombreux bénévoles qui supportent notre organisation année après année afin d'offrir à notre collectivité et aux nombreux visiteurs un terrain de qualité à la hauteur des attentes des golfeurs. Joyeuse période des fêtes et bonne saison 2017. On va parler de golf avec notre ami Pierre-Alexandre Bédard. Salut Pierre-Alexandre. Salut Denis. Ça paraît bizarre, Pierre-Alexandre, de parler de golf à ce temps-ci de l'année, parce qu'on est quoi? On est 5 décembre, puis finalement, 5 janvier plutôt, puis finalement, tu t'en vas vers la Floride la semaine prochaine. D'abord, j'imagine que tu as passé un beau temps des fêtes, tu t'es reposé et ainsi de suite. Oui, vraiment. J'ai passé à peu près un entour de 2 mois avec la famille. Ça a vraiment fait du bien. Je me suis entraîné quand même pas mal pour me garder en bonne forme physique. Puis je suis vraiment content d'avoir venu ici. Puis je regrette vraiment pas là, d'avoir pris une pause de 2 mois. Comment on fait pour garder la forme lorsque l'hiver demain? J'ai joué au hockey pas mal en fait. Okay. J'ai joué 2 fois par semaine. Puis, je me suis entraîné au conditionnement physique après des entours de 2-3 fois par semaine aussi. Okay. Donc, ça m'a permis de garder une certaine bonne forme physique. Là, juste assez bien là, pour bien me sentir, travailler un petit peu la musculation, le cardio. Puis, c'est vraiment c'est vraiment du bon sens. OK. Si, tu t'attaques à la Floride. Par les années passées, après ta saison québécoise, tu t'en allais en Floride. J'imagine que là tu as fait le vide, tu me l'as dit, ça a fait du bien. Là, ça va commencer comment? Est-ce que tu as un gros calendrier de prévu? Ça va être quoi, en fait? Présentement, je m'en vais mercredi prochain. Okay. Je m'en vais là-bas avec Max Gilbert, qui est un joueur du PGA Tour Canada, un Québécois. Il y a beaucoup de tournois. Il y a une possibilité de jouer plusieurs, à peu près 3-4 tournois par semaine. Souvent une journée à 2 journées. Je vais regarder là-bas, en fait, comment je me sens tout le temps. J'ai l'intention de jouer quand même plusieurs tournois, là, cet hiver. J'aimerais ça jouer en moyenne autour de 1 tournoi par semaine ou 2 semaines. Okay. Pour me préparer vraiment comme il faut, pour mes qualifications, là, en avril, du 17 au 21 avril. Donc, tout dépendant de comment je me sens, si je sens que j'ai besoin de pratiquer un petit peu ou de jouer les tournois, me mettre en bonne condition, c'est sûr que ça va dépendre. Mais probablement qu'au mois de mars, fin mars, début avril, c'est là que je vais jouer le plus de tournois. OK. Donc, est-ce que au début de même, tu vas viser des tournois qui sont moins compétitifs? C'est quoi, en fait? Pour te faire vraiment le. Ça fait quand même quelques mois que tu n'as pas joué. Là. Exactement. C'est pour ça que probablement que le premier mois, je vais me concentrer un petit peu plus à m'entraîner, à frapper les balles beaucoup, à jouer le plus possible. Puis ensuite de ça, là, je vais vraiment verser ma game là, pour me mettre en compétition un petit peu plus, puis voir. Sur quel point j'ai besoin de continuer à travailler dans un entraînement. Donc, c'est ça. Je vois autour du mois de mars, là, ça serait vraiment un mois plus en mise en tournoi pour moi. Puis janvier, là, vraiment plus en entraînement, puis travailler ce que j'ai à travailler. Je vais avoir une rencontre avec mon entraîneur, justement, la semaine prochaine, pour déterminer mes objectifs dans 2017. Puis de regarder là, qu'est-ce que je dois améliorer là, dans le prochain mois. OK, j'imagine que bon, t'as eu le temps de faire une pause, t'as fait une pause, donc t'as eu le temps de penser à tes objectifs. C'est quoi tes objectifs pour 2017? Écoute, c'est une bonne question. C'est sûr que la grosse objectif que j'ai en tête depuis plusieurs semaines, là, c'est vraiment de me qualifier pour le circuit canadien l'année prochaine. OK. Les Q-School, en fait. Puis ça c'est l'objectif majeur. Ensuite de ça, je vais voir, c'est sûr, parce que je suis dépendant sur quel circuit que je vais avoir à jouer après ça. Mes objectifs vont différents. Mais donc c'est sûr que c'est le jouer sur le circuit canadien. Puis ensuite de ça, je vais déterminer aussi des objectifs là, plus en côté performance, améliorer un petit peu mon scoring average, là, qui est ma moyenne de pointage. C'est ça. OK. Le fait que tu es passé au niveau professionnel, ça te donne plus de possibilités là-bas en Floride aussi? C'est sûr que il y a beaucoup de tournois quand même disponibles pour les professionnels. Okay. À ma part, j'avais quand même le choix aussi de jouer plusieurs quand même tournois. Mais c'est sûr que là, ça va être beaucoup plus le fun. Je vais pouvoir faire des bourses aussi, c'est ça, un petit peu. Mais c'est ça, non. Ça donne une plus grande marge là, pour faire des tournois. OK. Est-ce que tu vas aller sur les mêmes circuits que Kevin Fortin-Simard a fait il y a quelques années? C'est à peu près, ou encore, c'est quoi les circuits que tu vas? Dans le fond, on appelle ça des mini-tours. OK. Où ce que plusieurs professionnels vont... comme là, ça dépend des fois, mais il y a des gars du Webcom, des gars qui n'ont pas encore de statut nécessairement non plus, qui jouent sur ce circuit-là, qui essaient de s'améliorer pour gravir les échelons, puis de se ramasser un jour sur un circuit comme le Webcom, justement, puis le Mackenzie Tour, puis le PGA Tour à TV. Donc, il y a plusieurs professionnels, là, des professionnels aussi des États-Unis beaucoup, mais un petit peu en dehors des Canada et puis de l'Europe qui viennent se pratiquer pour l'hiver aussi, là, un peu avant de se préparer pour l'automne, en fait. OK. Ben, on va ça. Pierre-Alexandre, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ton premier tournoi en Floride, c'est quand? C'est pas déterminé encore. Je vais vraiment attendre de me rendre sur les lieux puis de regarder mes choses comme il faut avant de jouer mon premier tournoi, en fait. OK. Ben, Pierre-Alexandre Bédard, gros merci. On se reparle dès que tu seras en Floride pour ton premier tournoi. Très plaisir, Tony. Le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard.